Alors, on dit quoi, les gars? C'est Ghetto Phénomène 1143. Ça pète des chics aux cousins. J'ai mal au moins à fortir par les monins. Là les mots dans ma tête me fait changer d'aspect. Elle me rend fort comme ma bite dans la bouche d'une tasse. C'est hardcore illicite, fin rouge pour tous mes casse. Ceux qui partent au casse, ceux qui font des casse. C'est pour eux que je casse. Si on arrive de casse, j'ai pas de l'over à la crasse. Et même si je pousse la voile à la recherche gamaïs, et c'est pour ça qu'on braque les convois. Tu vois, dans nos styles illicites qui nous incite à prendre du shit des bites tout en esquivant les chemises. Pourquoi ça donne des récidivistes comme Hakim? Faut pas se faire. J'en place une pour crime pour mes youvois. Des drames, les dents cassées dans la turvoie. Mes soldats, mais pour ne pas avoir un futur froid. Mes soldats, mais pour ne pas avoir un futur froid. Quoi qu'il arrive, on reste ghetto. Mais pour qui ils se prennent? C'est le son ma clique, ça pète des chicots. Faut pas que tu t'engraines. On t'écoute pas chez nous, t'es gérant. T'es pas chez toi ici, man. Quoi que les gens disent, c'est dans le rétro. On voit que les sirènes et les chiennes. J'ai commencé à rapper, on m'a dit ça va devenir une maladie. J'ai pas fait ce que je voulais, ils m'ont trahi, depuis j'ai du mal à vivre. Mais pas du mal à dire, t'as que des maladies, si c'est ça la diff. Reste tranquille, cause m'en bats les couilles de ta gadie. Parce qu'on vit rien et gratos. Pour mes plans, mes peurs, mes blagues. Y'a plus d'espoir, mais faut qu'on s'accroche. J'ai fini le temps des Lacoste. Les petits ils veulent le Q7, ils te chassent pour un YZ. Ils te font un moulon, ils s'en foutent de ton tête. Et peut-être que y'en a qui font les athlètes. Tu fais la bête, mais t'es à l'ouest, au réseau rien que tu t'endettes. T'es dur de tête, mais t'es bête. Moi je t'écoutais pendant que toi tu fumes. Mais t'es bête. Quoi qu'il arrive, on reste ghetto. Mais pour qui ils se prennent? C'est le son ma clique, ça pète des chicots. Faut pas que tu t'engraines. On t'écoute pas chez nous, t'es gérant. T'es pas chez toi ici, man. Quoi que les gens disent, c'est dans le rétro. On voit que les sirènes et les chiens. Moi je compare l'anime à la langue quand je vois ces mots morts en Palestine. Malgré qu'il faut faire son chemin, moi pour l'état j'ai pas d'estime. C'est Nino, c'est élégant pour 11-43. J'mets les gars, on met les gars. Ça va chercher le rap à la Taliban. C'est le son ma clique, ça pète des chics. Ce monde est fou, j'ai vu tout le kiffer boulatique. Au Colombès, déguise antique, à de la dynamite dans le boule. Mec, t'es plus un homme. Même si t'as des couilles, les flics nous fouillent. Les flics nous narguent. Comme dirait ma grand-mère, Nahar Boura, c'est Tahkoum. Espèce de kounar, les MC courent le rap mon art. Le rap mon art, mental zonar, les flics on art. Se contre tous, nous on vous l'a. 1143 qui est un phénomène. On veut de la maille. Mais les problèmes sont pas la malle. Pays où y'a la malle. C'est ghetto phénomène, man. Ghetto phénomène, man. Quoi qu'il arrive, on reste ghetto. Mais pour qui ils se prennent? C'est le son ma clique, ça pète des chicots. Faut pas que tu t'engraines. On t'écoute pas chez nous, t'es gérant. T'es pas chez toi ici, man. Quoi que les gens disent, c'est dans le rétro. On voit que les sirènes et les chiennes. Toujours soulevé contre l'État, l'État sans ne parlait pas, on connaît tous vos réputes, on sait qu'il est, qui ne l'est pas. Traînez pas trop dans mes pattes, je suis pas encore dans les pattes. On nique là-bas que des packs dans des parkings et des plats. Il est vrai que je rêve de la ZICMU, musicalement détenu. Je me verrai bien sur scène et partout, Marseille soutenu. Mais pour l'instant, tous les jours, je me tue au menu shit canette. Et si les types sont pas nets, faut que je m'évade de cette planète. Demande à mon frère Jean-Marie, nos petits frères ils foutent le why. Veux de la maille, ils s'emballent d'être à la maille. Tout ce qu'ils touchent, ils le salissent. Ils ont vice et la malice. Tout calade pendant les manifs préventifs, ils ont un manie. Arrêtez de faire les renégats, vous êtes trop traînés les gars. On pourrait traîner des gars, mais ça vous ne comprenez pas. Ok, on a changé ça, on n'est plus les mêmes. Demande à mon pote sous les mêmes, vous m'avez trop saoulé les mains. Quoi qu'il arrive, on reste ghetto. Mais pour qui ils se prennent? C'est le son ma clique, ça pète des chicots. Faut pas que tu t'engraines. On t'écoute. Chez nous t'es gérant. T'es pas chez toi ici, man. Quoi que les gens disent, c'est dans le rétro. On voit que les sirènes et les chiennes. Ce qui nous sépare c'est les sous-sous. Les sous et les soucis. La mort me donne des frissons. La rue, l'ami m'a mis un sourcil. L'amour m'a fait faire des mafiti. Donne-moi le fusil. Je fasse des trucs de fou, des mafiosi. Foutaise, je vous baise sur le bitume ou sur le beat. S'il vous plaît, laissez-moi causer, poser ma poésie. Quand elle s'exprime et s'excite seul, je parle souvent de sex-crime. La drogue, l'adrénaline, c'est ce qu'on aime. Tu nous connais, excuse-moi mais est-ce qu'on t'a sonné? Et puis d'abord on est ce qu'on est, ouais. C'est dur de changer ses habitudes, ses attitudes. Quand j'ai du NAPS, je démarre au quart de tout. Je regarde ce qui se passe autour de moi. C'est le retournement, on peut tout perdre à tout moment. À tous ceux qui pensent à leur maman, que quand ils se trouvent dans des sales moments, Et ouais, c'est ça la morale, ça revient, ça te.